Le journal d'Internet sud-coréen La Voix du Peuple, en date du 26, a inséré un éditorial pour condamner les JAIS d'occupation en Corée du Sud et les autorités militaires sud-coréennes qui ont introduit le SAD au terrain de golf de Songju en dépit des protestations et des accusations de différents milieux.